الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, on avait entamé le chapitre des sunan de la prière, des choses qui sont recommandées et préférables à faire et à accomplir durant la prière. Et l'auteur a divisé ces sunan, ces choses recommandées à faire pendant la prière, les a divisées en deux, les verbales et celles qui se traduisent par des actes. Quelle est la définition d'une sunna عند الفقهاء? Non. Chez les juristes, quelle est la définition d'une sunna? Ahsant. Une sunna chez les juristes, c'est lorsque tu l'as fait, tu es récompensé, et lorsque tu la délaisses, tu n'es pas châtié. Et la sunna umuman et la sunna en général, quelle est la définition? Quelle est la définition de la sunna en général? On avait déjà donné la définition. La sunna, c'est tout ce que le prophète sallam a dit, a fait ou a laissé faire. La sunna, c'est tout ce que le prophète sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Mais là, quand on parle de sunan salah ici, en l'occurrence, on parle des choses qui sont préférables à accomplir et à faire durant la prière. Donc la semaine dernière, on avait parlé des sunan verbales, des choses qui sont préférables à dire. On en a cité 10. La première était non? De al-istiftah, ahsan. L'invocation de l'ouverture. Ensuite, le deuxième, at-ta'min, c'était le troisième. Le deuxième, c'est al-isti'adha, de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre al-shaytan, contre le diable. Et on avait dit que entre aussi dans al-sunan al-qawliya, la basmala, même si l'auteur ne l'a pas cité, l'a dit. Le plus fort des savants, le plus juste, c'est que la basmala aussi fait partie des sunan de la prière. Pour ceux qui ne considèrent pas la basmala comme un verset de Fatiha, ceux qui considèrent la basmala comme un verset de Fatiha doivent obligatoirement la réciter. Quant à ceux qui ne considèrent pas qu'elle fait partie de Fatiha et c'est la vie le plus fort, inshallah, ils considèrent la basmala comme une chose préférable et recommandée à faire. طيب ensuite le troisième التأمين التأمين le fait de dire آمين. Et on a cité le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui dont le تأمين coïncide avec le تأمين, c'est-à-dire le fait de dire آمين, avec le تأمين des anges, ses péchés antérieurs seront effacés. On avait dit que التأمين devait se faire après que l'imam commence à dire Amin. Lorsqu'il dit A, qui commence à dire Amin, c'est là où ceux qui prient derrière lui doivent dire Amin. Car le Prophète a dit il a amman al-imam, et il a shara'a fi ta'min. Lorsque l'imam dit Amin, c'est-à-dire lorsque l'imam commence à dire Amin. Ensuite, qira'atu al-qira'atu ba'd al-fatiha, la lecture après al-fatiha. Et cela dans les deux dernières. Rak'at des deux premières. Ce qui est connu du Prophète, c'est durant les deux premières, ce que le Prophète a fait le plus souvent. On avait dit qu'il était autorisé de temps en temps de réciter des sourates ou des versets après Al-Fatiha, même durant les deux dernières ou durant la troisième de Maghrib. mystérieux. Cinquièmement, déjà on finit déjà d'énumérer, inchallah. Cinquièmement, le tasbih, de dire subhanallah, subhana rabbiya al-a'la durant ce jour, et de dire subhana rabbiya al-azim durant le recours. Et on avait dit qu'il était, il venait les voyants qui rajoutaient wa bihamdin, de dire subhanallah, subhana rabbiya al-azim wa bihamdin pendant le sujoud, et subhana rabbiya al-azim wa bihamdin durant le recours, et subhana rabbiya al-a'la wa bihamdin durant le sujoud. Sixièmement, الزيادة على التسميع, le fait de rajouter après la parole سمع الله لمن حمده. On avait cité les différents hadiths du Prophète صلى الله عليه وسلم, les invocations à dire comme ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سابعا, septième سنة verbal, quel était الدعاء بين السجدتين, l'invocation à dire durant les deux sujoud. On avait cité entre autres le fait de dire Rabbi Firli, Rabbi Firli, ou l'invocation qui est rapportée par Ibn Abbas radiallahu anhu, que le Prophète disait entre les deux sajdats Allahumma Firli, Warhamni, Wajburni, Wahdini, Warzuqni, Warzuqni. On avait donné l'explication, on avait expliqué cette invocation, entre autres ce que signifie Wajburni et ce que signifie Warzuqni. Warzuqni, on a dit que ça signifiait le risque, et la subsistance, c'est la subsistance matérielle et spirituelle. Comme tu demandes à la Subhanahu wa Ta'ala les biens de ce bas monde pour vivre aisément et paisiblement, tu dois aussi demander à la Subhanahu wa Ta'ala de la science, de la foi et de la piété. Il ne faut pas penser qu'au matériel, il faut aussi penser au spirituel. Et lorsque tu demandes à Saint Allah de t'accorder la subsistance, il faut que tu aies dans ta tête, il faut que ton intention, c'est de demander la subsistance dans tous les domaines. Huitièmement, on avait dit que c'était As-salatu ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud, car après le second, on avait vu que c'était un pilier de la prière. Mais après le premier tashahhud, il fait partie de la sunna du Prophète de prier sur lui. Neuvièmement, l'invocation après le premier tashahhud ainsi qu'après le second tashahhud. On avait dit que l'invocation a été légiférée après le premier tashahhud, mais également après le second. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela à chaque deux rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u inda kulli rak'atayn, comme il a dit, comme rapporté dans le hadith de Mas'ud, anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qala idha qa'adtum fi kulli rak'atayn, lorsque vous vous asseyez toutes les deux rak'at. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité التحيات اي اجي par la suite ثم يدعو ثم يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه. السلام. Et dixièmement, la dixième sunna verbale, c'est le deuxième taslim, التسليمه الثانيه, qui fait partie des sunan, contrairement au premier taslim qui lui fait partie des piliers de la prière. Donc de dire assalamu alaykum à droite fait partie des piliers de la prière, et ensuite de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche, de dire assalamu alaykum ou assalamu alaykum wa rahmatullah, cela fait partie des sunan de la prière. Et à la kulli hal, ce n'est pas parce que ce concite fait partie des sunan, c'est-à-dire des choses que lorsque tu les délaisses, tu n'es pas châtié, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Au contraire, quand tu sais que cela fait partie de la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, empresse-toi de les accomplir et essaye d'accumuler le plus de bonnes actions possible. Non. Quand l'imam il fait le deuxième taslim et que nous on est derrière lui, quand est-ce qu'on fait le premier taslim? Quand il a fini son deuxième taslim ou bien quand il a fini le premier? Allahu a'lam. طيب نكمل. يقول المؤلف السنن الفعلية. Donc là, l'auteur va expliquer les sunan qui se caractérisent par des actes, par des faits, pendant la prière. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا حديث متفق عليه. Donc le premier point qui fait partie des sunan fi'liya, c'est le fait de lever ses mains au moment du takbir, au moment de takbirat al-ihram, le premier takbir, au moment de l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison et en se relevant du premier tashahhud, en se relevant du premier tashahhud vers la troisième rak'at. La preuve est le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains au niveau de ses épaules lorsqu'il ouvrait la prière, c'est-à-dire au moment de takbirat al-ihram. Et lorsqu'il disait le takbir avant de s'incliner. Et lorsqu'il levait sa tête de l'inclinaison, il levait également ses mains. Donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en déduit qu'il est légiféré de lever ses mains au moment du takbir et de l'ihram, du premier takbir, au moment du takbir avant l'inclinaison et au moment où la personne se relève de l'inclinaison. Et il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pendant la prière. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait ses mains, il ne les écartait pas, ni les resserrait. Il les laissait aller entr'ouverts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait ses mains durant le takbir, il ne serrait pas ses mains, ses doigts, à fois, ni ne les écartait. Mais il était entre les deux. Et il y a trois façons de lever ses mains. La première, c'est au niveau des épaules. La deuxième, c'est au niveau des lobes des oreilles. Et la troisième, c'est au niveau du haut des oreilles. A'la al-udhunay. Il y a trois façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, de lever les mains au niveau des épaules. La deuxième, au niveau des lobes des oreilles. Et la troisième, au niveau du haut des oreilles. Non. Si Et Cheikh l'Albani, donc le frère demande quel est le jugement de ceux qui touchent les lobes des oreilles avec leurs pouces au moment du takbirat al-ihram. Cheikh l'Albani considère cela comme une innovation, comme une bid'a. Cela n'a aucune source, aucune origine dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est rapporté aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois façons, trois moments où l'on doit lever les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, lever les mains au moment du takbir, de temps en temps avant le takbir et de temps en temps après le takbir. Les trois sont autorisés. Donc lorsque tu lèves tes mains, il t'est autorisé de lever tes mains avant le takbir, pendant le takbir ou après le takbir. Comme cela a été rapporté dans Sifatul Salat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh l'Albani rahimahullah, dans le livre La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh l'Albani rahimahullah. Non, il n'y a pas de précision. Allahu a'lam. L'écart entre les deux mains, Allahu a'lam. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه أبو داود البخاري. يسلو نافع il rapporte que ابن عمر lorsqu'il entrait dans sa prière, il faisait le takbir et levait ses mains. Et lorsqu'il s'inclinait, il levait ses mains. Lorsqu'il disait Sami'a Allahu liman hamida, il levait ses mains. Lorsqu'il se levait de la deuxième rak'at vers la troisième, il levait ses mains, wa rafa'a dhalika ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, ce hadith est un hadith mawquf, c'est un fait d'un compagnon, mais que les savants à qui les savants donnent le jugement de al-marfu'. C'est un fait d'un compagnon, mais qui a le jugement d'un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car à la fin de l'Athar, Nafi' dit que Ibn Umar a attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Qu'est-ce qu'on en déduit, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport au premier hadith qu'on a cité? Non? Entre le deuxième et le troisième encore. La différence entre les deux hadiths, c'est le plus, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lorsqu'il se levait de la deuxième vers la troisième raka'a. Parce que cela n'est pas cité dans le premier hadith. Dans le premier hadith, il n'est pas cité le fait de lever ses mains lorsqu'on se lève de la deuxième vers la troisième raka'a. Concernant ce qu'on a cité au moment de Takbirat al-Ihram, au moment de l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison et en se relevant de la deuxième vers la troisième raka'a, cela, les savants disent que lever ses mains doit être fait tout le temps. Cela doit être fait tout le temps. Cela a été tout le temps rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres endroits de la prière, à d'autres moments de la prière, où il est, et qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lever ses mains, mais de temps en temps. Ce qu'on a cité là, il faut lever ses mains tout le temps. Et ce qu'on va citer par la suite, il faut lever ses mains de temps en temps. Non. Comme c'est rapporté tout le temps par le prophète, pourquoi ils l'ont mis en tant que sunna? Ils l'ont pas mis en tant que forme de la... Pourquoi? Parce que c'est un fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne fait pas partie de... Il n'a pas été cité dans le hadith de Moussa sallallahu alayhi wa sallam. وَيَسُنُّ رَفْعُهُمَا أَحْيَانًا عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حتى يحاذي بهما فروع أذنين حديث صحيح رواه النسائي والإمام أحمد في مسنده. Et il est légiféré de lever ses mains de temps en temps durant tous les mouvements de rabaissement ou de relèvement. À chaque fois que tu t'abaisses ou que tu te relèves de la prière, il fait partie de la sunna de temps en temps de lever tes mains à chaque fois que tu t'abaisses et à chaque fois que tu te relèves. La preuve est le hadith de Malik ibn al-Huwayrith qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains pendant sa prière, lorsqu'il s'inclinait, lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, lorsqu'il se prosternait, lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, jusqu'à lever ses mains au niveau du haut de ses oreilles. Et inda furu'i udhunayhi ay a'la udhunayhi. Donc, il est autorisé, il est légiféré de temps en temps, de lever ses mains lorsque tu t'apprêtes à te prosterner. Lorsque tu veux te prosterner et que tu dis le takbir pour te prosterner, il t'est autorisé de temps en temps de lever tes mains. De même, lorsque tu te relèves de la prosternation, il t'est autorisé, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lever ses mains de temps en temps. Et les savants disent que de temps en temps, il t'est autorisé, même lorsque tu veux te reprosterner pour la deuxième prosternation, de relever tes mains. Et aller à chaque mouvement. Non. Même quand tu te relèves de la première rak'at. Même quand tu te relèves de la première rak'at. Mais pas frère de quoi? Il n'y a pas de pas, si, on a cité. Ça, au contraire, il faut lever tout le temps ses mains, frère de quoi? وكان النبي صلى الله عليه وسلم levait ses mains lorsqu'il disait سمع الله لمن حمده قبل المشروع سي احيانا ثانيا السلام وضع اليمين على الشمال فوق الصدر deuxièmement de fait de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري والإمام مالك في موطئه. Selon Sahl ibn Sa'd, il dit, les gens étaient ordonnés de mettre, les gens ordonnaient, les gens ont reçu l'ordre de poser leur main droite sur leur avant-bras gauche pendant la prière. Et Abu Hazim a dit, la a'lamuhu, je ne sais pas, c'est-à-dire la a'lamuhu ay min Sahl ibn Sa'd, je ne sais pas de Sahl ibn Sa'd, yani je ne connais de Sahl ibn Sa'd, lorsqu'il rapporte cela, il ne le rapporte que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La a'lamuhu illa yanmi, les savants disent illa yanmi dhalika ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, مراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'un rapporteur dit ينمي en parlant d'un autre rapporteur, il veut dire par cela que ce rapporteur rapporte ce fait du prophète صلى الله عليه وسلم. وعن وائل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. حديث صحيح رواه ابن خزيمة. اسم وائل ابن حجر il dit j'ai prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم et il a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Donc de ces deux hadiths, dans le premier on en déduit, on en retient qu'il est légiféré de poser sa main droite sur son avant-bras gauche. Et dans le deuxième hadith de Wa'il ibn Hujj, on en déduit qu'il est autorisé de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Et concernant le fait de le poser sur l'avant-bras, il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été authentifiés par Cheikh l'Albani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite à la fois sur sa main gauche, sur son poignet et sur son avant-bras. Il y a une autre sunnah du prophète, c'est de poser ta main droite sur ton poignet, le milieu de ta main droite sur ton poignet, et cela en découle que ta main droite touche à la fois ta main gauche, ton poignet et ton avant-bras. Donc ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi autorisé de poser directement sa main droite sur sa main gauche. Les deux sont autorisés. Tu poses ta main droite sur ta main gauche. Tu poses ta main droite sur ton poignet gauche, il en découle que ta main touche ta main droite, ta main gauche, ton poignet et ton avant-bras gauche. Il est autorisé de poser sa main droite sur son avant-bras gauche, comme cela a été cité dans le hadith de Sahl ibn Sa'd. Le fait de prendre le poignet. Allahu a'lam. Kana yada'u. Ça veut dire kana yaqbidu. Et concernant le fait de poser sa main droite sur sa main gauche, en général, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que c'est une obligation. Mais les détails de comment poser la main, Cheikh Al-Albani dit que cela fait partie des sunnah. C'est une sunnah. La façon de le faire est une sunnah, mais le fait de le faire, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que c'est un wajib. Non. Non, il parle de rajoul, il parle de l'homme en général. Et cela est valable pour l'homme comme pour la femme. Et les savants ont cité quelques sagesses sur le fait de poser sa main droite sur sa main gauche pendant la prière ou sur son avant-bras gauche. Certains savants disent que cela est une posture d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quand la personne pose sa main droite sur sa main gauche, cela fait c'est une humilité et c'est un rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres savants, comme a cité cela Al-Hafid ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, il dit, et certains savants ont cité des choses très étonnantes. Ils disent que l'intention réside dans le cœur. Une personne, lorsqu'elle veut protéger quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'entoure. Quand tu veux protéger quelqu'un d'un mal, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends dans tes bras, tu l'entoures. Et selon dit, de même pour ton cœur. La personne, lorsqu'elle fait al-qab, lorsqu'elle pose sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, c'est comme si elle encerclait son cœur et qu'elle le préservait. Non. Et concernant le fait de poser ses mains en dessous du nombril, les savants du hadith sont unanimes sur la faiblesse de ces hadiths. Tous les hadiths qui stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait ses mains au-dessous de son nombril, les hadiths sont faibles. Ça, c'est une règle dans le hadith. Non. Et au-dessus de la poitrine, ce qui lève ici, voilà. Non. Au-dessus de la poitrine, ce n'est pas autorisé. En dessous, ce n'est pas autorisé. Ce qui est autorisé, c'est de faire comme le professeur Hassan a fait. Et le professeur Hassan a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Thalithan, an-nazaru ila mawdi'i sujud. Troisièmement, de regarder l'endroit de la prosternation. An Aisha radiyallahu anha قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. حديث صحيح رواه الحاكم. Il fait aussi partie des sunnah de la prière de regarder l'endroit de la prosternation. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Kaaba, son regard n'a pas dévié de l'endroit où il posait son front lors de la prosternation jusqu'à en être sorti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait? Salla, il a prié. Quel est le jugement de fermer les yeux pendant la prière? Donc là, on a vu que la sunnah du prophète sallam, c'était de regarder l'endroit où la personne se prosterne. Et les hadiths qui nous prouvent cela sont innombrables. Les hadiths qui nous prouvent que le prophète sallam priait les yeux ouverts sont innombrables. Et même s'ils ne sont pas clairs, mais ce que le prophète sallam a fait, on en déduit que le prophète sallam avait les yeux ouverts. Lorsqu'il s'est avancé pour empêcher la brebis de passer devant lui, et que le prophète sallam a collé son ventre au mur, le prophète sallam avait les yeux ouverts ou pas? Non. Lorsque le prophète sallam, on a cité le hadith la semaine dernière, a attrapé le diable devant lui pendant sa prière et qu'il l'a attrapé par le cou, le prophète sallam avait les yeux ouverts. Et d'autres hadiths qui nous prouvent que le prophète sallam, lorsqu'il priait, il priait les yeux ouverts. Lorsqu'il a prié et qu'il y avait un vêtement qui l'avait distrait, le fait que le vêtement les distrait nous prouve que le prophète sallam avait les yeux ouverts. Non? Mais en soujoud. En soujoud, j'ai envie de dire, Allahu alam. En soujoud, Allahu alam. Là, on parle de quand tu es debout. Parce que quand tu es en soujoud, tu ne peux pas voir l'endroit où tu poses ton front. Voilà. Non? Il nous a dit que le prophète sallam, il est rentré dans la Kaaba, il a fait salat. Et de quel côté il s'est vu? Comment? Ben, de n'importe quel côté. Tu es dans la Kaaba? Ben oui. C'est dans la Kaaba, tu te diriges de n'importe quel côté. Non. Et les savants, donc, quel est le jugement de prier les yeux fermés? Les savants disent que cela est makruh, que cela est détestable. Ils ne disent pas que c'est haram, ils disent que cela est détestable, que cela est déconseillé. Car cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants, comme l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, comme Cheikh ibn al-Taymin rahimahullah, disent que lorsque la personne éprouve la nécessité de fermer ses yeux parce qu'il y a un événement ou une chose présente à ses côtés qui est susceptible de la distraire pendant sa prière, il lui est autorisé de fermer ses yeux. Comme Cheikh ibn al-Taymin a donné l'exemple, si tu pries et que devant toi il y a des enfants ou des enfants qui jouent à proximité, et le fait que tu pries les yeux ouverts, tu risques de les regarder et d'être distrait pendant ta prière, qu'il t'est autorisé de fermer tes yeux. Ou bien lorsque tu pries et qu'une chose avec des décors ou des formes bien précises qui serait susceptible de te distraire pendant ta prière, alors ferme tes yeux pour te concentrer. Les savants disent, dans des cas de nécessité et de besoin, cela n'est pas détestable. Et l'imam al-Qayyim dit, bal huwa mustahab. Et l'imam al-Qayyim dit, au contraire, quand il y a des cas comme cela, il est préférable de fermer les yeux. Wallahu a'lam. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le fait de prier dans le noir? Wallahu a'lam. Le jugement concernant le fait de regarder l'imam dans le salat. Le jugement sur le fait de regarder l'imam pendant la prière, les savants disent cela est autorisé. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu la prière et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, on en déduit de ces hadiths où les compagnons nous décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en déduit qu'il est autorisé à celui qui prie derrière l'imam de regarder l'imam avec l'intention d'apprendre sa prière. Donc ne regarde pas n'importe quel imam, regarde un imam dont tu connais un suivi de la sunna, dont tu connais du bien et de la science surtout. À quoi c'est ça de regarder un imam qui ne sait pas prier? Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, à condition de ne pas tourner sa tête pendant la prière. C'est pas toi tu es dans le quatrième sauf à gauche et le même il est au milieu devant, de lever ta tête, de regarder à droite à gauche pour essayer de voir l'imam. Non. Là, Cheikh Ibn Uthaymeen dit cela n'est pas légiféré. Si tu es derrière l'imam, de telle sorte que en levant ta tête ou en levant tes yeux, tu regardes l'imam et tu peux l'observer, là oui, cela est autorisé. Rabi'an, an yaf'ala fi ruku'ihi ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. Quatrièmement, de faire pendant l'inclinaison ce qui est rapporté dans les hadiths suivants. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. حديث صحيح رواه مسلم وابو داود. وعن ابي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هرص ظهره. وعن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج اصابعه. Quatrièmement, نعم. وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر نعم ثم هصر ظهره. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه. Donc pendant la prière, le prophète عائشة رضي الله عنها rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était en état d'inclinaison, il ne levait pas sa tête ni la rabaissait, mais la mettait entre les deux. Le prophète sallam, lorsqu'il était en inclinaison, il ne baissait pas sa tête ni la relevait, mais entre les deux. Et selon Abu Humayd, lorsqu'il rapporte la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et lorsqu'il s'inclinait, il saisissait ses genoux avec ses mains, thumma hasara dhahrahu, et aligner son dos. Harasa ay istawa dhahrahu, min ghayri taqwis, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar, c'est-à-dire de d'aligner son dos, de faire en sorte que son dos soit droit et ne ressemble pas à une voûte, ne ressemble pas à un arc. Et ton dos, il ne doit pas être courbé, il doit être droit. Le prophète sallam, c'est-à-dire qu'il mettait droit son dos, que son dos était droit et n'était pas courbé. Et selon Wa'il ibn Hujr, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, il écartait ses doigts. Lorsqu'il saisissait ses genoux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses doigts. وعن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. Et selon Abu Humayn, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, il posait ses mains sur ses genoux comme s'il les attrapait, comme s'il les saisissait. Wa wattara yadayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait ses mains et ses bras comme étendu la corde d'un arc. Comme étendu la corde d'un arc. فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. Et le prophète sallam écartait ses mains et ses bras de ses côtés. Et les savants disent que lorsqu'un musulman prie ou une musulmane prie et qu'il est en état d'inclinaison, son côté est comparable à l'arc et ses bras sont comparables à une corde. Bachir, lève-toi pour montrer au frère, Inch'Allah. Mets-toi de profil comme ça, ils te verront, Inch'Allah. Donc, voici le même cas d'ailleurs, car il s'inclinait, d'accord ? Il écartait ses doigts, saisissait ses genoux, et là, est-ce que les bras du frère sont tendus ou pas ? Le prophète sallam kana yaj'al yadayhi kal watar. Les mains doivent être tendues. Ils doivent être tendus droit. Il doit être droit, et les savants disent que son bras, il doit être droit, comparable à la corde d'un arc, et son côté, qui est plié, est comparable à l'arc. Non. Donc les coudes ne doivent pas être pliés. Les coudes doivent être tendus et droits. Non. Comme l'a dit Mubarak Fouri, celui qui a expliqué Sunan al-Tirmidhi, من التوتير وهو جعل الوتر على القوس وأوترته أي شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوتر. Donc par ceux qui ont dit cela, qui ont comparé le bras à la corde et le côté du corps à l'arc, Al-Mubarak Fouri rahimahullah dans son livre خامسا تقديب اليدين على الركبتين في السجود. Cinquièmement, de précéder les mains avant les genoux lors de la prosternation, au moment où la personne s'apprête à se prosterner. Selon Abu Huraira, عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث صحيح رواه النسائي وابو داود. سنو أبو هريرة رضي الله عنه qui dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne descende pas ou qu'il ne se prosterne pas ou ne descende pas durant sa prosternation, comme s'abaisse un chameau, mais qu'il pose ses mains avant ses genoux. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i. Et sur cela, il y a une divergence des savants, rahimahumullah. La personne, lorsqu'elle se prosterne, elle veut se prosterner, qu'est-ce qu'elle doit précéder au sol? Est-ce qu'elle doit mettre ses mains avant ses genoux ou doit-elle précéder ses genoux avant ses mains? Il y a trois avis des savants sur ce sujet. Le premier avis, l'avis de beaucoup de savants qui disent que tu dois précéder tes genoux avant tes mains. Et la preuve, c'est le hadith de Wa'il ibn Hujr, un autre hadith d'un autre compagnon qui a dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner et poser ses genoux avant ses mains. Et ils disent aussi que les genoux du chameau, que le chameau lorsqu'il s'abaisse, lorsqu'il est debout et qu'il s'abaisse, il précède les pattes de devant, qui sont considérées comme ses mains, avant ses pattes de derrière, qui sont considérées comme les genoux. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, les autres savants disent non. Tu dois précéder tes mains avant tes genoux. Car dans ce hadith, le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallam a dit et qu'il pose ses mains avant ses genoux. Et ils disent les genoux du chameau sont sur ses pattes avant. Les genoux du chameau et les genoux des animaux en général sont sur ses pattes avant. Ils disent concernant l'articulation du genou. Vous voyez le genou comment il est articulé? Il est articulé vers l'avant. Et le coude est articulé vers l'arrière. Quand vous regardez un chameau, ses pattes de devant, comment elles sont articulées? Vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'avant. Et c'est les pattes de derrière qui sont articulées vers l'arrière. Pareil pour tous les animaux. Tous les animaux, c'est comme ça. Ils disent que les genoux du chameau sont sur son devant. Et le chameau, lorsqu'il s'assied, lorsqu'il s'abaisse, il précède ses genoux et ensuite, et par la suite, il pose ses mains. Et d'autres savants ont dit que les deux sont autorisés. Non ? Il les allonge. Et d'autres savants ont dit les deux sont autorisés en rassemblant les deux hadiths, disent de temps en temps de précéder ses genoux et de temps en temps de précéder les mains. Et ceux qui disent qu'il faut précéder les mains avant les genoux répondent au premier hadith de Wa'il ibn Hujr qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam précéder ses genoux avant ses mains. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le hadith est faible. Que le hadith est faible. Et les savants qui disent que la personne doit précéder ses genoux avant ses mains, qu'est-ce qu'ils répondent au hadith d'Abu Huraira? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il pose ses mains avant ses genoux. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent que cela est inversé, c'est une inversion du rapporteur du hadith, que le rapporteur du hadith s'est trompé et au lieu de dire qu'il pose ses genoux avant ses mains, il a dit qu'il pose ses mains avant ses genoux, comme l'a soutenu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a ajouté un plus et a dit on ne nie pas que les genoux du chameau sont sur ses pattes avant. On ne nie pas cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne s'abaisse pas comme s'abaisse un chameau. Il n'a pas dit qu'il ne s'abaisse pas sur les membres sur lesquels s'abaisse le chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne s'abaisse pas comme. C'est l'image, c'est la description de l'abaissement. Le chameau lorsqu'il s'abaisse, qu'est-ce qu'il précède? Le devant ou l'arrière? Le devant, puis l'arrière. D'accord? Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, lorsque tu poses tes mains avant tes genoux, quand tu descends, ta descente est comparable au chameau, car tu as posé tes mains, puis tes genoux. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et c'est vrai que c'est un avis qui est très fort. Et le Cheikh Al-Abbad, hafidahullah, qu'Allah le préserve, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous baisser comme s'abaisse un chameau, c'est-à-dire avec force, avec violence. Que le chameau, lorsqu'il s'abaisse, il s'abaisse avec force. Et on entend le bruit du chameau lorsqu'il s'abaisse. Et Cheikh Al-Abbad dit que le prophète nous a interdit de descendre rapidement et avec force, comme descend le chameau. Donc ça, ce sont les avis des savants. À la Kulli Hal, les avis les plus répandus, c'est soit tu précèdes tes mains avant tes genoux, d'accord, en considérant que le hadith de Abu Huraira est authentique et que ce n'est pas une inversion de la part du rapporteur, ou bien tu considères que le hadith de Lu'ay ibn Hujj qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettre ses genoux avant ses mains, qu'il est authentique, et que le hadith d'Abu Huraira est inversé, tu as le choix entre les deux. Et suis l'avis dans lequel tu es le plus apaisé, suis les savants envers lesquels tu as le plus confiance. Et que celui qui voit son frère poser ses mains avant ses genoux ou ses genoux avant ses mains, alhamdoulilah, il ne faut pas que cela soit une source de divergence ou d'animosité entre les frères. Non. Donc Michel Al-Habbad, donc lui dit qu'on pose les mains en premier alors. Non, Cheikh dit que tu poses tes genoux avant. Il dit le mieux c'est de poser ses genoux avant ses mains. Comme le Cheikh Ibn Baz aussi, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit al-amr wasi'. Cheikh Ibn Baz dit tu as le choix, que tu poses tes mains avant tes genoux ou tes genoux avant tes mains, cela est semblable, mais Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit mais le mieux c'est de poser ses genoux avant ses mains. Wallahu a'lam. سادسا أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. Sixièmement, de faire durant sa prosternation ce qui est rapporté dans les hadiths suivants. عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. حديث صحيح رواه البخاري وابو داود. Selon Abu Humayd, lorsqu'il a rapporté la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains sans les allonger ni les rapprocher. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne posait pas ses avant-bras par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Humayd dit وضع يديه غير مفترشين أي غير مفترشين لذراعيه, il ne posait pas ses avant-bras par terre, car cela est une ressemblance aux chiens en particulier et aux animaux en général. ولا قابضهما, et le prophète صلى الله عليه وسلم ne collait pas ses mains à son corps, mais les écartait. Ses bras, et écarter ses bras de son corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait ses orteils vers la Qibla, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Wa an al-Bara qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sajadta fadha' kaffayk وَرْفَعْ مِرْفَقَيْكِ. Selon Al-Bara, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. Lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ إِبْنِ بُحَيْنَةَ أَوْ بَحِينَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Malik, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, écarter ses mains jusqu'à faire apparaître la blancheur de ses aisselles, jusqu'à ce que la blancheur des aisselles du prophète sallam apparaissait. Autrement dit, le prophète sallam écartait ses bras pendant sa prosternation. Et dans un autre hadith rapporté par un musulman, حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت. Dans un autre hadith du prophète sallam rapporté par Muslim, des compagnons ont dit, le prophète sallam écartait ses mains, ses bras pendant sa prosternation, de telle sorte qu'un agneau pouvait passer sous son bras. نعم. وعن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. حديث صحيح رواه ابن خزيمة والبيهقي. اسم عائشة رضي الله عنها elle dit, j'ai perdu le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il dormait à mes côtés. Je l'ai alors trouvé en état de prosternation. Rasan aqibay, ses talons collés. Mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qibla. Et en dirigeant ses orteils vers la qibla. Donc dans ce hadith de Aïcha radiallahu anha, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était prosterné, il collait ses talons. Il collait ses talons. وعن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه. Et selon وائل بن حجر, il dit, lorsque je suis arrivé à Médine, je me suis dit, je vais voir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, puis il s'est abaissé, s'est prosterné, et sa tête était entre ses deux mains. La tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prosternation, était entre ses deux mains. Wa an wa'il ibn Hujr, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana idha sajada ضم أصابعه. حديث صحيح رواه ابن خزيمة والبيهقي. Et selon Wa'il ibn Hujr, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné, il regroupait ses doigts, il joignait ses doigts, contrairement à l'inclinaison où il était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses doigts. Pendant l'inclinaison, lorsque tu saisis tes genoux, écarte tes doigts. Pendant ta prosternation, joins tes doigts et ne les écarte pas. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. Et selon البراء, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains au sol, sur le sol, et dirigeait ses mains ainsi que ses doigts en direction de la Qibla. Et il est rapporté que Ibn Umar radiallahu anhu faisait partie des compagnons qui faisaient le plus attention à ce que chacun de ses membres soit dirigé vers la Qibla pendant sa prière. Il faisait même attention à son pouce radiallahu anhu. Et quand vous posez votre main, quand vous joignez les doigts, les personnes ont tendance à négliger le pouce. Tes doigts sont dirigés, mais ton pouce est décalé. Ibn Umar radiallahu anhu faisait attention même à son pouce. Et lorsqu'il collait ses doigts, il collait aussi son pouce aux autres doigts pour qu'il soit lui aussi dirigé en direction de la qibla. سابعاً أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية. Septièmement, de s'asseoir entre les deux prosternations comme cela est rapporté dans les hadiths suivants. An Aisha qalat وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى حديث صحيح رواه مسلم وابو داود وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى حديث صحيح رواه النسائي سنة عائشة رضي الله عنها le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait sur son pied gauche et relevait son pied droit. Entre les deux sajda, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent et ce qui est le préférable à faire, c'est de s'asseoir sur le dessus de son pied gauche, et que le dessus de son pied gauche soit à même le sol, et de relever le pied droit. De mettre le pied droit debout. Vous voyez ou pas? Vous voulez une démonstration? Il faut que le pied droit soit vertical et s'asseoir sur le pied gauche. Et il y a l'autre hadith de Ibn Omar qui dit fait partie de la sunna durant la prière de lever le pied droit, de diriger les orteils de ce pied droit vers la qibla et de s'asseoir sur le pied gauche, comme le frère le fait. Là, il est assis sur son pied gauche, son pied droit est debout, et les orteils de son pied droit sont dirigés vers la qibla. Ça, c'est l'assise entre les deux prosternations. C'est ce que le prophète Saint faisait le plus souvent. وعن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إن لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أثر صحيح رواه مسلم وابو داود Il y a une autre sunna entre les deux sujouds, ce que les savants appellent l'إقعاء. Qu'est-ce que l'Iqa'a? Qui connaît l'Iqa'a? Non. Tu t'assois sur tes... Fais une démonstration, ça. Voilà, l'Iqa'a, c'est ça. Elle est relève. L'Iqa'a, c'est de joindre ses pieds, de poser ses fesses sur les talons et de diriger les orteils vers la Qibla. Donc, c'est de se mettre sur la pointe des pieds, de s'asseoir sur ses talons et de poser les genoux au sol. Ça, c'est ce que les savants appellent al-iqa'a. Et cela a été rapporté par Ibn Abbas. Il était questionné sur al-iqa'a. Est-ce que cela fait partie de la sunna? Il a dit oui, cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-iqa'a, il y a deux sortes de iqa'a. Il y a al-iqa'a autorisé et l'Iqa'a interdit. Qui connaît la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire? Non. Celui qui veut dire la façon, il faut qu'il la montre. Non. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est ça qui est posé. Il faut montrer. Donc, l'Iqa'a qui est interdit, qui peut le faire? C'est de poser les fesses par terre, et de s'asseoir en dirigeant les orteils vers la Qibla, d'accord? En écartant les jambes. Et vous prenez l'Iqa'a autorisé. D'accord? Donc, Abéchir, tu vas faire une démonstration, Inch'Allah. Donc, l'Iqa'a autorisé, la posture autorisée entre les deux sujouds, c'est de coller les talons, d'accord? De coller les talons et de poser les fesses sur les talons avec les orteils dirigés vers la Qibla. Et ce qui est interdit, c'est d'écarter les jambes et de poser ses fesses entre ses jambes, de telle sorte que son pied droit est à sa droite et son pied gauche à sa gauche. Et ses fesses posées à même le sol et les mains posées sur le sol. Le professeur Sallam a interdit cela car il a dit que c'est comparable au chien, que c'est ainsi que ça soit le chien. Vous avez saisi ou pas? Alhamdulillah. Bien. Tourne tout le frère, Inch'Allah, vers la Qibla. Et Al-Iqa'a, cela a été rapporté par beaucoup de compagnons, radiallahu anhum. Cela a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, qui le faisait, Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Zubayr. Comme At-Tawus dit, j'ai vu Al-Abad ila Salata, j'ai vu les trois Abdullah faire Al-Iqa'a entre les deux prosternations. Et il parle des trois Abdullah en parlant de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma. Voilà, certaines personnes le font ça quand ils viennent pour se lever. Ils font ce jalsat al-istiraha. Et après ils font cette chose et après ils montent. C'est autorisé ça? Ils font quoi? L'iqa'a? Non. Allahu a'lam. L'iqa'a, ce que je sais, c'est que c'est une sunnah entre les deux sajdas. Allahu a'lam. ثامنا لا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا. De ne pas se relever de la prosternation jusqu'à s'asseoir. عن أبي قلابة أو قلابة عن أبي قلابة بارك الله فيك قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. حديث صحيح رواه البخاري وابو داود. Autrement dit, qu'il faut observer une assise avant de se relever de la prosternation vers la troisième, vers la deuxième ou la quatrième raka'a. C'est-à-dire, jalsat al-istiraha, la posture du repos. La preuve est le hadith d'Abi Qilabah qui dit que Al-Malik ibn Huwayrith al-Layfi lui a informé qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et lorsqu'il était dans les raka'at impairs de sa prière, il ne se levait pas tant qu'il n'avait pas observé une assise, tant qu'il ne s'était pas assis. Autrement dit, durant les raka'at impairs, durant la première ou la troisième, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait de la deuxième prosternation de la première raka'at, il ne se levait pas directement, mais s'asseyait, puis se relevait. Pareil, lorsqu'il se levait de la troisième vers la quatrième raka'at. Et certains savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela vers la fin de sa vie, lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il en éprouvait le besoin. Mais beaucoup d'autres savants ne sont pas de cet avis et ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et lorsqu'il a enseigné la prière, entre autres à Malik ibn al-Huwayrith, il lui a enseigné la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit prie comme tu m'as vu prier. Et Malik ibn al-Huwayrith rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui rapporte le hadith priez comme vous m'avez vu prier, et c'est lui aussi qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans une raka'at impaire de la prière et qu'il voulait se lever, il s'asseyait entre temps. تاسعا أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. عن أيوب عن أبي قلاب قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلاب وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. حديث صحيح رواه البخاري والبيهقي. Neuvièmement, de céder ou de poser ses mains sur le sol lorsque l'on se lève. Autrement dit, après jeshet al-istiraha. La preuve, selon Ayyub, selon Abi Qilaba, il dit Malik ibn Huwayrith est venu à nous et a présidé la prière dans notre mosquée. Puis a dit, je prie, je préside la prière, mais je ne veux pas la prière. Je fais cela car je veux vous montrer comment j'ai vu le prophète sallam accomplir sa prière. Mon but n'est pas de prier et de présider la prière pour vous, mais mon but est de vous montrer comment j'ai vu le prophète sallam prier. Ayyub dit, et j'ai dit à Abi Qilaba, comment était sa prière? Abi Qilaba lui a dit, la prière était comparable à la prière de cet homme âgé, en parlant de Amr ibn Salama. Et Ayyub dit, et ce shir, cette personne âgée, disait le takbir, yutimmu takbir. Yutimmu takbir, c'est-à-dire qu'il disait at-takbir dans sa totalité. Qu'il disait, pendant sa prière, Allahu Akbar, dans sa totalité. Pourquoi? Car des gens disent, par exemple, lorsqu'ils veulent s'incliner, Allah. Ou bien quand ils veulent se prosterner, Allah. On entend que Allah. Alors que la science du Prophète Saint, c'est de dire Allahu Akbar. Et Amr ibn Salama, lorsqu'il disait le takbir, kana yutimmu takbir. Il le disait dans sa totalité. Et le fait de dire Allahu Akbar, ou bien de dire Allahu et de dire Akbar dans son intérieur, cela fait partie des innovations de la prière. وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية, et lorsqu'il relevait sa tête de la deuxième prosternation, il s'asseyait, واعتمد على الأرض, puis s'appuyait en s'aidant du sol, s'appuyait sur le sol, puis se levait. Puis se levait. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Al-Umm, وبهذا نأخذ فنأمر من قام من السجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. Et l'imam Shafi'i rahimahullah a dit dans son livre Al-Umm, et nous prenons en considération cela, c'est-à-dire nous prenons en considération le fait de s'appuyer sur le sol en se relevant, et nous ordonnons cela à celui qui se lève de la deuxième prosternation vers la troisième, ou de celui qui est assis, autrement dit dans le tashahhud, dans le premier tashahhud, lorsqu'il veut se lever vers la troisième raka'a, et que cela est meilleur pour la personne et est plus sécuritaire pour lui, sécurisant pour lui, afin qu'il ne se retourne pas. Il a dit c'est d'abord une preuve de modestie pendant la prière de se relever en s'aidant, en appuyant ses mains sur le sol. Il a dit, premièrement, c'est une preuve de modestie. Ensuite, deuxièmement, cela permet à la personne de ne pas se retourner en arrière, de ne pas tomber en arrière. Car on voit des personnes, lorsqu'elles se lèvent en posant les mains sur les cuisses, sans les poser par terre, on voit des personnes qui tombent, des personnes qui sont déjà tombées, qui sont déséquilibrées vers l'arrière, ou des personnes qui ont failli tomber, qui ont été déséquilibrées. Pourquoi? Parce qu'ils sont levés sans s'être appuyés sur le sol. Non? Et l'imam Shafi'i dit, et cela, on doit faire cela, car on se doit de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Concernant la manière de poser les mains sur le sol, il y a deux façons. Les savants ont divergé. Certains savants ont dit tu poses tes mains sur le sol, tu poses la paume de tes mains sur le sol. D'autres savants, comme Cheikh l'Albani rahimahullah, disent tu poses tes mains, tes poings sur le sol. Tu fermes tes mains comme un poing et tu les poses sur le sol comme al-ajin, comme un boulanger lorsqu'il fait sa pâte, comme quand il pétrit sa pâte, comment ses mains sont à son fermé comme un poing, et il pétrit sa pâte. Et il y a un hadith du prophète sallam qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait, il posait ses poings sur le sol, il s'aidait de ses poings, et le hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Et d'autres savants ne considèrent pas ce hadith comme authentique et disent par conséquent que tu t'aides, tu poses tes mains sur le sol, tu les poses et tu poses la paume des mains sur le sol. Un deux avis, celui qui considère le hadith authentique, il pose ses poings. Celui qui considère que le hadith n'est pas authentique, il pose la paume de ses mains. Non. Allahu a'lam, je ne connais pas la parole de Ali, alors que tu viens de citer. Je sais que le hadith, je sais que la divergence vient sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants qui ne considèrent pas de poser le point disent que le hadith est faible. Et Cheikh al-Albani, lui, le considère comme authentique. Allahu a'lam. Naam, barakallahu fik. Et le fait que Ali radiallahu anhu dise qu'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam poser ses mains sur le sol en s'aidant pour se relever, le fait que Ali radiallahu anhu ait nié cela, est-ce que ça veut dire que le prophète ne l'a jamais fait? Aïcha radiallahu anha n'a-t-elle pas dit qu'elle n'a jamais vu le prophète uriner debout? N'a-t-elle pas dit que celui qui vous rapporte que le prophète a uriné debout, il a menti? Elle n'a pas dit ça, bien sûr. Et des compagnons qui ont vu le prophète uriner debout, des compagnons du prophète sallam qui ont vu le prophète sallam uriner debout. Et les savants ont dit que Aïcha radhiyallahu anha a informé de ce qu'elle savait. Et celui qui sait, c'est une preuve contre celui qui ne sait pas. Donc si des compagnons du prophète sallam ont rapporté que le prophète sallam s'est aidé de ses mains en se relevant, cela ne contredit pas la parole de Ali radiallahu anhu qui dit qu'il n'a jamais vu le prophète sallam, car Ali radiallahu anhu rapporte de ce qu'il sait et les autres compagnons ont rapporté ce qu'ils savent. Allahu a'lam. An yakuna ashiran, an yakuna julusuhu fi at-tashahhudayn ala ma jaa fi hadhihi al-ahadith. An Abi Humayd أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. Donc, dixièmement, le fait de s'asseoir pendant les deux tashahhud, comme cela est rapporté dans les hadiths suivants. Selon Abu Humayd, qui rapporte dans sa description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait, toutes les deux raka'at, fi raka'atayni, au moment des deux raka'at, c'est-à-dire pendant le premier tashahhud, il s'asseyait sur son pied droit et mettait debout sur son pied gauche et relevait son pied droit. وإذا جلس في الركعة الآخرة et lorsqu'il s'asseyait durant la dernière raka'a, c'est-à-dire durant le dernier tashahhud, قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Il passait son pied droit en dessous de son pied gauche, à fouet, en dessous de son pied droit qui était vertical, posé verticalement, et il s'asseyait sur son côté. Et ça, c'est ce que les savants appellent At-tawarruk. C'est ce que les savants appellent At-tawarruk. Il y a dans les assises dans la prière, il y a Al-Iqa'a, ce qu'on a montré tout à l'heure, il y a Al-Iftirash, ce que le frère nous a montré tout à l'heure, et il y a At-tawarruk. Tu peux nous montrer At-tawarruk? Donc At-tawarruk, c'est de mettre son pied gauche en dessous de son pied droit, de lever son pied droit, le mettre vertical, de diriger les orteils vers la Qibla et de s'asseoir sur son côté, sur le côté de sa cuisse gauche. Hada wa tawarruk. Et ça, le prophète alayhi sallam le faisait durant la dernière raka'a, c'est-à-dire durant le dernier tashahhud. Des prières à 3 ou à 4. Des prières à 3 ou à 4 raka'at. Non. Jamais à 2. Non. À 2, le Prophète sallam, il faisait al-iftirash. Le Prophète sallam faisait al-iftirash. Non. Mais si tu sais, des fois, dans la salade, il n'y a pas de place. Fattakullah, mais ça t'a fait. S'il n'y a pas de place, crée Allah comme tu le peux. Non. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait pendant la prière, il posait sa main droite sur sa cuisse droite et fermait sa main, fermait ses doigts, fermait tous ses doigts et dirigeait ou tendait l'index, ou si on traduit littéralement, il tendait le doigt qui suit le pouce. Et le doigt qui suit le pouce, c'est l'index. Et le professeur sallam posait sa main gauche sur sa cuisse gauche. وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديث يعني السبابة. Et selon Nafi, il rapporte qu'Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, lorsqu'il s'asseyait pendant la prière, il posait ses mains sur ses genoux et tendait son doigt, c'est-à-dire son index, et le suivait du regard. Et c'est une chose du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le tashahhud, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait son index. Il ne regardait pas l'endroit de la prosternation. Et il a dit, Abdullah ibn Umar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est plus dure envers le diable que le fer. Il est plus dur envers le diable que le fer en parlant de as-sababa, yani as-sababa, en parlant de l'index. Que il est plus douloureux pour le diable que le fer. Wallahu a'lam. Non. Allah a'lam, j'ai pas de réponse à faire. L'imam Ahmed rahimahullah a dit yuharikuha shadidan. Qu'est-ce que le mot shadid voulait, qu'est-ce qu'il voulait dire par shadid? Est-ce que c'était bouger rapidement ou est-ce que c'était que le doigt soit rigide? Allah a'lam, j'ai pas trouvé de réponse. Un déchet? Non. Celui qui a la parole de Cheikh Al-Albani qui me la rapporte. Je sais que Cheikh Al-Albani il cite la parole de l'imam Ahmed dans son livre Sifat al-Salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que l'imam Ahmed veut dire par shadid? Allahu a'lam, je ne sais pas. quand tu fais le tachahoud, il doit toujours être dirigé. Non, on avait expliqué ça, que l'index, Cheikh Al-Albani dit que l'index ne doit pas, tu ne dois pas le monter ni le descendre, tu dois le bouger. Et lorsque tu le bouges, il ne doit pas dévier de la Qibla. Car quand tu pries, tous tes membres doivent être dirigés vers la Qibla. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Non. Il est éloigné ses bras de son côté. Les savants disent Jafi, c'est-à-dire que le Prophète sallam éloignait ses bras pendant l'inclinaison de son côté. Il ne le collait pas. La corde, est-ce qu'elle est collée à l'arc? Non, elle est écartée. Non. Merci. Non. Dans le hadith du Prophète sallam, il a rapporté qu'il posait sa main droite sur sa cuisse gauche. Et c'est vrai qu'il y a le hadith de Abdullah ibn Omar qui rapporte qu'il posait ses mains sur son genou. Allah a'lam. Il faut que je fasse une recherche sur cela. Non. Ouais, mais t'as pas croisé tes mains quand tu fais le tawarouk, tu vois. Mais ta main, mais tu la poses ou tu tiens avec ton genou? Parce qu'il y a un tu vois, tu tiens ton genou, tu vois. Pendant le tawarouk? Ouais. Allah a'lam. Je sais pas. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. مذكور؟ أنه يقبض على ال نعم. أبامون الشيخ الفهم دي جو سوي با كوران كو الشيخ الألباني رحمه الله سي سكي دي كو على اليد اليمين ولا اليد اليسرى؟ بارك الله فيك. دونك لا نعم؟ نعم. دونك لو فخير مدي كو الشيخ الألباني رحمه الله رابورت ان حديث كي بروف كو لو بروفيس صلى الله عليه وسلم لوسكيل ايتي جون دان تشهود اون بوستور دو تورك qu'il saisissait son genou gauche avec sa main gauche. Donc, Inch'Allah, cela fait partie de la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Non. C'est par rapport au tawarruk. C'est au niveau du pied gauche. Est-ce que les orteils doivent être dirigés vers la Qibla? Comment tu veux faire? Montre-moi. Comment tu veux faire pour diriger? C'est ce que je fais. Je ne sais pas si... C'est au niveau du tibia. Comme ceci, du coup. Allahu a'lam akhi. Parce que moi j'ai entendu qu'elle était possible cette. Allahu a'lam, la adri, je sais pas. Fait de question? Non. Moi je reviens en arrière pour les sourates, c'est toi? Non, pas de là. Quand on parle sur les sourates, le fait qu'il commence à réciter, est-ce qu'il y a un ordre chronologique pour réciter les sourates? Est-ce qu'il y a un ordre chronologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il suit dans ce qu'il y a dans le Coran? C'est-à-dire, il commence par réciter les sourates. Les savants disent, l'ordre de citer de réciter les sourates, les savants disent, le mieux, le préférable, c'est de suivre l'ordre du Mus'haf. Mais il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent que de temps en temps, il est autorisé de ne pas suivre l'ordre du Mus'haf, et ils ont déduit par cela que cela est autorisé. La preuve, c'est le hadith où Abdullah ibn Abbas a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et l'a rejoint dans sa prière de nuit, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par lire Surat al-Baqarah, puis Surat al-Nisa, et ensuite Ali Imran. Les savants ont dit que Tartib, ce n'est pas une obligation de suivre l'ordre du Coran, mais que cela était autorisé. Allah a'ala. Pour prendre les notes sur la patine, c'est quoi le document pour ceux qui vont acheter? Il ne suit pas la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'auteur a considéré cela comme une sunna. Donc autrement dit, si on suit l'avis de l'auteur, il n'a pas fait quelque chose de mal, parce qu'il a délaissé une sunna. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, considère lui que al-qabd, que le fait de poser sa main droite sur sa main gauche, c'est une obligation. Car il y a un hadith du Prophète qui dit en parlant des prophètes, qu'ils ont été ordonnés de laisser pousser leur barbe et de poser leur main droite sur la main gauche sur leur poitrine. Et Cheikh Al-Albani dit, il y a un autre hadith qui prouve, c'est le hadith de celui qu'on a cité, de Sa'd ibn Sa'd, qui dit les gens étaient, on leur avait ordonné, les gens avaient été ordonnés. Et Cheikh Al-Albani dit, il y a dans ce hadith une preuve que de poser sa main droite sur sa main gauche, c'est une obligation. Mais d'autres savants disent que non, ce n'est pas une obligation, cela fait partie des sunan de la prière. Wallah a'lam. Ils disent que la version est faible. Donc ils ne la prennent pas en considération. Je voulais savoir, la dernière fois on avait parlé sur le fait que quand une personne passe devant toi, elle te coupe la salat. Et en fait, je voulais savoir ce que en fait, couper quoi, ça représente quoi. Est-ce que c'est une diminution de hasana, c'est couper. Ça on avait parlé de. Non, justement, quand j'ai dit tout à l'heure, rien dessus. Une personne qui? Non, une personne qui passe devant toi. On a dit qu'une personne, lorsqu'elle prie vers une sutra, quelle que soit la chose qui passe devant lui, sa prière n'est pas annulée. Ouais, ça c'est clair. Non. Donc quand une personne passe devant toi, ça. Et quand tu n'as pas de sutra, lorsque quelqu'un passe devant toi, ta prière est diminuée. La récompense de ta prière est diminuée. Mais lorsque tu n'as pas de sutra et que passe devant toi une femme, un âne ou un chien noir, ta prière est. Elle est annulée, elle est morte, et là tu peux recommencer l'iqam et t'écouter l'iqam. Diminuée, ça veut dire que. Dans l'ajr, dans la récompense. Elle est diminuée dans la récompense. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris vers une sutra. Or, parmi les bénéfices et les mérites de la sutra, c'est qu'elle préserve la prière du musulman. Non. Non, c'est un pilier. Je voulais savoir si quand tu fais des exemples ou là des sunnah, c'est déjà dans ce salat sud, c'est deux rak'a. Non. Il considère comme le dernier. Non. Et dans les sunnah, c'est-à-dire rak'atin madin pareil, c'est un pilier. Quand on parle des pieds de la prière, que ce soit une prière obligatoire ou surrogatoire, c'est une prière. Donc c'est tous les piliers qu'on a cités, ils sont valables à la fois pour les prières surrogatoires et pour les prières obligatoires. Ceux qui prient en marchant les mains, ils se basent sur quoi? Ils sont basés sur quoi? Ils n'ont aucune preuve. Parce que les mêmes, ceux qui disent que comment dire, qui n'est pas légiféré de poser ses mains droites sur sa main gauche, sur la poitrine, il se base sur des paroles qui ont été mal comprises de Malik, rahimahullah. Et alors que l'imam Malik, rahimahullah, a rapporté dans son livre Al-Muwatta le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait ses mains droites sur sa main gauche. Et ça, c'est des problèmes de compréhension de la parole de l'imam Malik, rahimahullah. وأنتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.